Pierre, est-ce que tu es prêt? Oui. D'habitude... Non, dis-moi là quand tu es prêt. Non, je suis prêt. D'habitude, je fais jamais ça live enregistré à la radio comme ça. Fait qu'on va réveiller des gens, on va faire un petit mix d'une dizaine de minutes, puis je vais commencer avec la chanson qui est sortie ce matin, hier soir à minuit. Donc, c'est un remix de Danse, la chanson de Cindy Doire, une fille de Timmins, puis on s'est amusé avec ça. Donc, je vais commencer avec cette chanson-là, puis on verra où ce que le vent nous emmène. Alors, on écoute DJ Pierre. Pour lui, c'est une première. Alors, on s'amuse. Levez-vous de vos chaises à 8h37. Le voici. L'amour universel, au bout d'une ficelle, attaché à mon cœur, attiré ma fureur, comme un papillon de nuit à la lumière, je m'abandonne à la lune entière, comme l'océan qui avale la rivière, je fais m'envoler, retomber en poussière. Danse mon âme, danse, très simple ma danse. Danse mon âme, danse, très simple ma danse. Déchaîné comme l'orage, je suis colère sauvage. Comme un papillon de nuit à la lumière, je m'abandonne à la lune entière. Comme l'océan qui avale les rivières, je fais m'envoler, retomber en poussière. Danse mon âme, danse, te ressens pas ma danse. Danse mon âme, danse, prochaine fois ma danse. Solitaire, mais je sais bien qu'il ment quand il dit qu'il préfère être seul au bord de la mer. Malgré son cœur de pierre, quand il commence à jouer, lui me fait oublier mes heures de galère. Une nuit entière, je voudrais lui plaire, le jeune homme au corps de pierre. Cette indifférence, non mais dis-moi à quoi tu penses. En face de toi, jeune homme solitaire, tout le monde danse au rythme de ton cœur de pierre. Thank you. bien, on vient d'entendre DJ Pierre qui vient de nous jouer un petit set pour embellir notre début de fin de semaine en ce vendredi. Puis, Pierre, c'était comment là, ton première expérience live en studio? En autant que personne ne s'est rendu compte des erreurs que j'ai faites, moi, ça a bien été. Écoute, moi, j'ai vu aucun problème avec ça. J'avais juste envie de danser, de sauter partout. Bon vendredi, tout le monde. Ben oui. En plus, on a appris une belle nouvelle cette semaine. Tu t'en vas du côté là, du francophone en Belgique qui va être du 4 au 14 octobre prochain. C'est vraiment une belle nouvelle pour toi. Oui, c'est énorme. Là. C'est, je joue le 11 puis le 12, donc le jeudi, vendredi. J'ai mes propres shows là-bas, donc ça va être vraiment cool. C'est ma première fois aussi à l'extérieur du pays pour aller jouer. J'ai joué surtout en Ontario, un petit peu au Québec. Je vais faire le festival de Granby à la fin de l'année. Pas à la fin de l'année, mais à la fin de l'été. Puis là, c'est la première fois que je m'en vais en Europe. Donc, ça va être malade. J'ai vraiment hâte. On espère que ça va t'ouvrir des portes, t'en aller en Europe et peut-être aussi avoir un peu plus de succès là, du côté du Québec, que ça t'ouvre plus de portes aussi. Écoute, je me croise les doigts, je tape du bois, puis je pense que la meilleure façon, c'est de leur montrer ce que je sais faire live, tu sais, en personne, en direct. Donc, pas juste d'envoyer des... je sais que ça pogne pas mal mes affaires sur Spotify, comme j'ai deux tunes qui sont... Amour simple vient juste de passer le cap de 25 000 écoutes, puis la plupart viennent de Montréal. Fait que tu sais, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute, mais je les ai jamais rencontrés. Fait que c'est mes prochains défis pour l'année. Ça va être probablement que tu vas être bon pour leur serrer la pince prochainement. Oui, je l'espère. Si on veut te suivre, on fait comment? C'est partout la même chose. Donc, c'est DJ Unpierre, UNPIER. Puis sur Instagram, c'est surtout ça que j'utilise. Mais sinon, Facebook, Snapchat, Spotify, YouTube. Je viens juste de sortir la tune Danse, le remix Danse. Puis il y a un vidéoclip que j'ai fait aussi. Je viens juste de l'envoyer, ça. Yeah, allez voir ça. Je te remercie, Pierre, et bonne fin de camp DJ là, aux jeunes. Et il y en a d'autres qui vont avoir l'honneur de participer, là, d'être avec toi à Barry au mois d'août. Oui, c'est ça, à partir du 20 et tout, si je ne me trompe pas. Donc, merci pour l'accueil et pour l'opportunité de jouer avec ces jeunes-là. Merci et bonne fin de semaine. Bye.